Si tu crois en moi de tout ton cœur, tout deviendra possible. Ta foi te sauvera. J'ai fait le premier pas en me donnant pour toi. Accepte-moi comme ton sauveur. Rien n'est plus beau que d'avoir la foi et de savoir qu'il nous délivrera. Si tu crois en moi de tout ton cœur, tout deviendra possible. Ta foi te sauvera. J'ai fait le premier pas en me donnant pour toi. Accepte-moi comme ton sauveur. Comme ton rédempteur, je plaiderai ta cause auprès du Créateur. Je suis le chemin, la vérité, la vie qui te conduira. D'avoir la foi et de savoir qu'il nous délivrera. Si tu crois en moi, oh oui, de tout ton cœur, tout deviendra possible.